À l'heure où les chiens eux-mêmes gémissent de douleur sous le soleil qu'il est mort, quel puissant motif fait donc aller ainsi la paresseuse Dorothée, belle et froide comme le bronze? Pourquoi a-t-elle quitté sa petite case, si coquettement arrangée, dont les fleurs et les nattes font à si peu de frais un parfait boudoir, où elle prend tant de plaisir à se peigner, à fumer, à se faire éventer, ou à se regarder dans le miroir de ses grands éventails de plumes, pendant que la mer, qui bat la plage à 100 pas de là, fait, à ses rêveries indécises, un puissant et monotone accompagnement, et que la marmite de fer, où cuit un ragoût de crabe au riz et au safran, lui envoie, du fond de la cour, ses parfums excitants. Peut-être a-t-elle un rendez-vous avec quelques jeunes officiers qui, sur des plages lointaines, a entendu parler par ses camarades de la célèbre Dorothée. Infailliblement, elle le priera, la sainte créature, de lui décrire le bal de l'opéra, et lui demandera si on peut y aller pieds nus, comme aux danses du dimanche, où les vieilles cafrides elles-mêmes deviennent ivres et furieuses de joie. Et puis encore, si les belles dames de Paris sont toutes plus belles qu'elles. Dorothée est admirée et choyée de tous, et elle serait parfaitement heureuse si elle n'était obligée d'entasser piastre sur piastre pour acheter sa petite sœur, qui a bien 11 ans, et qui est déjà mûre, et si belle. Elle réussira sans doute, la bonne Dorothée. Le maître de l'enfant est si avare, trop avare pour comprendre une autre beauté que celle des écus.